Chapitre 34e, le baiser. À chacun son tour. J'ai eu moi aussi mon baiser. Il m'est tombé au moment où je l'attendais le moins. Les choses ont avancé sans nécessité. Monsieur Vernet et Marguerite venaient de partir pour le bain. Selon nos conventions, j'étais monté dans ma chambre pour travailler. Je travaillais, comme toujours, en regardant par l'œil de bœuf la danse des flots de la mer. C'était ma petite pénitence de chaque matin. Je l'ai demandée moi-même et l'ai fait scrupuleusement entière. Il y va de ma réputation de piocheur, de nègre littéraire. Mais si la petite troupe de bateaux-pêcheurs de Brême ne défilait pas devant moi, coquette et voile retroussée, si les trois mâts à l'horizon ne glissaient pas dans leur écume, pareils à de fortes dames imposantes qui montrent en promenade la dentelle blanche de leurs jupons, j'aurais vite une indisposition d'ennui. Il n'est point trop de la grande mère pour me tenir compagnie. J'ai senti qu'on entrait. Il ne m'est pas venu l'idée de tourner la tête du côté de la porte. Je n'ai eu que la peur de l'élève qu'on surprend à ne rien faire. J'ai vite pris ma plume, feuilleté un livre, écrit un mot, et un pouce enfoncé dans l'oreille jusqu'à la garde, fin l'application, le recueillement, l'indifférence au bruit. Le dos gros, l'être parcouru d'un frisson d'inquiétude, j'appréhendais la chute de quelque chose, une petite tape sur l'épaule, la chiquenaude d'un doigt ressort. Et je me suis dressé à la sensation, en un point du cou, d'une brusque succion chaude, et j'ai vu Madame Vernet, pâle, se reculer, les mains jointes. J'éprouvais de l'embarras sans plaisir. Je ne savais plus ce qu'elle voulait, et je ne trouvais rien à dire. Les mains appuyées sur le rebord de la table, les jambes molles, je courbais la tête comme pris en faute. « Vous devez me juger mal, » me dit-elle d'une voix implorante, étouffée, qui s'éloigne et va s'éteindre. J'eus l'esprit de répondre « Non, pas du tout. » Elle s'était tenue d'abord sur la défensive. Mon attitude piteuse la fermit. Elle fit un pas en avant, posa le bout de ses doigts sur mon bras, et comme pour réveiller un somnambule qui dort debout, me dit « Vous m'en voulez, sans doute ?» Je répondis encore « Non, pas du tout. » Elle paraissait indécise. Enfin, après un silence, les lèvres pincées. « Vous êtes singulier, j'attendais un autre accueil. » Une lourde stupidité pesait sur moi. Il faut le dire, je n'avais jamais sérieusement cru que l'adultère de Madame Vernet se réaliserait. J'y pensais souvent, j'en caressais complaisamment les images, mais il avait la séduction d'une beauté littéraire. Il devait passer, tandis que nous converserions, et voilà que je me trouvais devant lui. Il était là, matériel, en chair vivante et palpable, m'épouvantant. Il me disait « Il est temps. Il est temps d'empoigner cette femme, de la serrer sur ton cœur, de la vider pour la rejeter ensuite. Il est temps de tromper M. Vernet. Peut-être en mourra-t-il. Mais il est temps de t'installer à sa place, de lui voler sa femme en mangeant sa soupe. Il est temps d'être misérable pour de bon, car c'est fini de rire. En outre, « Prépare-toi à tout, car ce brave homme de mari peut, au lieu de larmoyer, prendre un revolver et te casser la tête. Cela arrive. »« Assez, rêvassé. Vis, fais vite. » Madame Vernet s'impatiente. Elle me serre le bras fortement. « C'est un supplice. Parlez donc, vous me faites souffrir. » Je me décide à répondre avec un sourire niais. « C'est donc vrai, tu m'aimes donc. » Mais elle, qui se serait donnée si je l'avais enlacée, brutale et muet, trouve que je la soufflette trop tôt en paroles. « Ne me tutoyez pas !» dit-elle. Elle fixe les planches de sapin de ma chambre, comme si elle y suivait encore la vibration de mon tutoiement. Je ne sais plus ce qu'il faut faire ou dire, je ne sais plus. Nos mains s'étreignent cependant. Je lui offre ma chaise. Je lui offrirai aussi bien du papier à lettres, de quoi écrire. Elle murmure. « Nous sommes coupables. » « À qui ?» dit-elle. « Je veux faire de l'esprit. Ne le serons-nous jamais davantage ?» Voilà encore un mot qui lui déplaît. Elle va me dire « Restons-en là et partir. » Mais elle non plus, elle ne sait pas où nous en sommes. Elle lève sur moi ses bons grands yeux qui se brouillent et s'efforce de me regarder. Je préfère cela. Qu'elle pleure. Pleurant tous les deux, elle, assise à ma table, moi, tantôt me promenant, tantôt accoudée dans l'ovale de l'œil de bœuf. Nous nous oublions l'un l'autre. Il y a peut-être, dans cette chambre étroite, une jolie femme et un jeune homme qui la désirent. Mais il y a surtout deux êtres qui sont effrayés, sans savoir pourquoi. Parce que le souhait de l'un s'est accompli trop vite. Parce que les nerfs de l'autre se sont brisés dans une seule crise. parce qu'enfin l'instant de bonheur est venu. Henri. Franchement, nous ne sommes pas gais, chère madame. Calmez-vous donc, vous allez vous faire du mal. Madame Bernet. M'aimez-vous au moins? Henri. Si je l'aime. Elle me demande si je l'aime. J'élève et j'abaisse les bras, lentement. Puis je l'embrasse sur le front, sur les yeux, comme en fonction. Je pourrais compter en même temps. C'est ainsi. Je ne vois pas Madame Bernet. Je vois la situation que nous nous sommes faite, la vie qui se prépare aux événements indévinables, l'adultère qu'il faudra consommer. Quand Madame Bernet, à un bruit de pas dans l'escalier, se sauve et m'envoie un baiser de toute la largeur de sa main, je le lui renvoie machinalement, comme si je jouais au volant avec une petite fille, sans entrain, pour lui faire plaisir. Chapitre 35e. Prise d'habitude. Monsieur Vernet. Que se manigance-t-il derrière ce front? Depuis 2 jours, vous me faites une tête. Vous travaillez trop. Son rire n'a rien d'infernal. Il s'intéresse sincèrement à ma santé. Ce qui s'est passé entre Madame Vernet et moi ne l'a point changé. Henri. Ne faites pas attention. Je suis souvent en proie à des inquiétudes. Je ne sais pas prendre la vie pour ce qu'elle vaut. Je la dramatise. Et pourtant, jamais adultère ne fut, comment dire, plus innocent que celui de Madame Bernet. Notre crime restera longtemps ébauche. Monsieur Vernet ne s'absente pas seul. Marguerite appelle à chaque instant sa tante, et dans cette maison de verre, il faut ouater ses soupirs. Les pêcheurs crus nous donnent l'exemple. Ils se meuvent comme des crabes dans une caisse d'eau. De notre côté, nous avons saisi la manière savamment silencieuse de défaire nos souliers, de les poser par terre, de remuer nos cuvettes, de tousser en serrant les lèvres, et de nous étendre sur nos lits sans les faire gémir. Quand Madame Vernet peut monter dans ma chambre, nous nous parlons enroués. Comme elle m'avait donné une mèche de ses cheveux, je lui ai dit que cela m'avait fait bien plaisir, mais je n'en ai pas redemandé. Madame Bernet, où l'avez-vous mise? Je ne sais pas. Je veux serrer ma maîtresse contre moi, mais elle se dégage et met un doigt sur sa bouche. Si on nous entendait! En effet, je perds toute prudence. Madame Vernet me rationne. Elle fixe chaque matin à son lever ce qu'elle m'accordera dans la journée. Elle ne veut pas encore que je la tutoie. C'est trop tôt. Plus tard, nous verrons. D'un naturel temporiseur, elle marche sur de la glace craquante. Henri. Mais vous, au moins, tutoyez-moi. Cela me serait si doux. Elle prend une demi-mesure. Le « tu » et le « vous » disparaissent autant que possible de ses phrases. Je ne sais plus à qui elle s'adresse. Quand je cherche ses lèvres, elle me donne sa joue et prétend que c'est la même chose, que c'est aussi bon, et s'en va, me laissant interdit, mes bras déployés. Ma bouche, vainement tendue, rentre en elle-même. « Madame Vernet, ce sera gentil de nous aimer ainsi. » Henri, un peu long. Elle est rajeunie. Me parle trop de mon avenir et me promet de n'être jamais un obstacle dans mon existence. Madame Vernet. Je ne vous aime pas au sens ordinaire du mot aimer. Je n'entends rien à ces subtilités, et je me préoccupe seulement, durant ces courtes apparitions, de baiser au vol un bout d'oreille, une paupière. Je saute pour agripper des cerises trop hautes. Madame Vernet. Je vois que vous ne me comprenez pas. Il est vrai que je vous aime, et je vous l'ai montré en étourdi. Est-ce une raison pour me traiter ainsi qu'une femme de rien? Henri. Vous voudriez jouer à la maman et me prendre sur vos genoux? Impossible. Madame Vernet. Il me faudra donc céder. Je ne suis pas une coquette. Je me garderai de vous faire souffrir. Vous verrez que nous nous en repentirons. Henri. Puisque vous vous résignez, je vous accorde du répit. Madame Vernet. Merci. Et pour te donner une marque de mon affection, tu vois, je te tutoie. Mais je ne le ferai que de temps en temps. Henri. Pourquoi pas toujours? Madame Bernet. Ces hommes, avec tout leur esprit, ne devinent rien. Oui, ça me gêne de te dire tu continuellement. Henri. Même quand personne ne nous écoute? Madame Bernet. Oui, il faut que je sois préparée, entraînée, que les circonstances s'y prêtent, que mon attitude m'y force. Enfin, il faut que ça vienne tout seul, dans la conversation. Autrement, c'est drôle. Tu ne trouves pas? Henri. Non, moi je suis toujours entraîné. Je n'ai pas besoin de suivre un régime comme un boxeur anglais, à cheval de course. Monsieur Vernet l'appelle. Travaille, me dit-elle en se sauvant. Elle aussi veut que je travaille. Tous conspirent contre mon repos. Marguerite s'en mêle et me demande parfois « Ça coule-t-il, monsieur Henri ?» Henri « Oui, ça coule, comme ci, comme ça. » Marguerite « Vous avez de la chance. Au couvent, quand je fais une narration française, jamais ça ne coule. » Chapitre 36e, écrire. Non, ça ne coule pas du tout. Madame Vernet m'a dit « Savez-vous ce que je voudrais ? Je voudrais vous voir faire une belle œuvre, un roman par exemple, qui me serait dédié et où vous mettriez un peu de moi. » Elle m'a demandé cela, timide, en regardant ses doigts. J'ai promis. J'ai toujours promis, sans hésitation, aux gens qui m'ont paru le désirer, de leur dédier un roman de mon cru où je raconterai leurs histoires. Je fais même l'offre de mon propre mouvement. Quand je couche avec des filles, je ne manquais point de décliner mon titre d'homme de lettres avec ostentation. J'écrirai surtout un article dans un journal pour te faire de la réclame. Très peu ont accepté cet engagement comme prix d'une nuit d'amour. Chaque matin, Madame Vernet vient chercher des nouvelles de son roman. J'ai pris au lycée l'habitude de dormir, avec l'air de lire mon livre, les coudes cimentés sur la table, le menton au creux de mes mains. Encore aujourd'hui, il me suffit de m'asseoir dans cette attitude pour provoquer le sommeil. Madame Vernet s'y trompe. Elle attend que j'aie fini de travailler, que je me réveille, retient son souffle et ses gestes, en arrêt sur mon inspiration, couate comme une perdrix surprise. « À la bonne heure, » dit-elle, si je me retourne, les yeux clignotants. « Elle veut voir. »« Elle veut voir. » Je la repousse avec fermeté. « Non, quand ça sera fini. » « Madame Vernet, n'allez pas vous fatiguer, vous tuez pour moi. » « Henri, cessez de vous alarmer. » Si je lui disais que je ne fais rien, elle en serait froissée et me répondrait « Je ne vous inspire donc pas. » Elle se croit aussi muse qu'une autre pour l'homme qu'elle aime. Je frotte vivement mes mains. Matin, ça marche. Encore quelques pages comme celle-ci et je n'aurai qu'à me présenter au guichet de l'opinion publique pour toucher la gloire. Elle a confiance comme moi, me baise au front, presque saintement. Madame Vernet, je te laisse, mon poète. Continue. Il s'en va se promener, sans m'emmener. Que c'est embêtant d'écrire. Passe d'écrire des vers. On peut n'en écrire qu'un à la fois. Ils se retrouvent et à la fin du mois on joint les deux bouts. Et puis il y a la rime qui sert de crochet pour tirer, hisse, hisse, jusqu'à ce que le vers se rende, se détache entier. Passe même d'écrire une petite nouvelle. C'est court comme une visite de jour de l'an. Bonjour, bonsoir, à des gens qu'on déteste ou qu'on méprise. La nouvelle est la poignée de main banale de l'homme de lettres aux créatures de son esprit. Elle s'oublie comme une relation d'omnibus. Mais écrire un roman complet, avec des personnages qui ne meurent pas trop vite. Mes jeunes confrères me l'ont dit. Tu réussis les petites machines, mais ne t'attaques jamais à une grosse affaire. Tu manques d'haleine, vois-tu? J'en conviens. J'ai besoin de souffler à la troisième page, de prendre l'air, de faire une saison de paresse. Et quand je retourne à mes bons hommes, j'ai peur, comme si j'allais traîner des morts sur une route qui monte, comme si je devais renouer avec une maîtresse devenue grand-mère pendant mon absence. Je me revois en classe après ma majorité. Mais j'ai mon œil de bœuf à côté de moi sous la main. Des bateaux s'en vont, d'autres rentrent et se déshabillent de leurs voiles. Le flot monte. Les vieux rochers se couvrent d'écume, père de famille vénérable mais ivre qui renverserait en buvant de la mousse de champagne dans leur barbe. La mer est légèrement moutonneuse. Un invisible menuisier, infatigablement, lui rabote le dos et fait des copeaux. N'y tenant plus, je cours rejoindre mes amis qui se baignent. Chapitre 37e, la plage. Celle de Taléou est toute petite. On marche pieds nus sur un sable fin et doux comme un ventre de femme. On se baigne sans cérémonie. Une femme debout au creux d'un rocher, la main en garde crotte sur ses yeux, feint de regarder quelque chose au loin, un vapeur. On cherche. Cependant, elle se déshabille par escamotage. On la retrouve en costume de bain. Avec des gestes chasseurs de mouches, elle s'avance à la rencontre de la mer. Elle pousse des cris et s'exerce à sauter en l'air comme un jouet mécanique, à se jeter sur la tête, les épaules, les seins, des pleines mains de sable mouillé et de filandreux barèques. La mer a beau faire le chien couchant, Dès qu'elle s'approche, la baigne s'enfuit, plaintivement gloussante, vers son rocher. C'est ainsi que se baignent presque toutes ces dames. Galamment, le maire avait fait planter deux poteaux, tendre des cordes, pour faciliter leurs ébats natatoires, disait-il. Elles eurent peur, non de l'eau, mais de ces cordes, qui se tordaient comme des serpents dans leurs jambes. En outre, elles prétendaient qu'on apprend mieux à nager sur le bord. La mère, en colère, a roulé les cordes, arraché les poteaux, emporté le tout. Ces dames adorent les rondes entre elles, se tiennent par la main. Elles tournent, fouettées d'éclaboussures, frénétiques avec des rires de sauvagesse qui vont faire un bon repas, manger le missionnaire garrotté et cuisant à petit feu. De temps en temps, un baigneur aimable les avertit. « Doucement, mesdames, pas par là, vous vous trompez, la mer est de ce côté. » Une baigneuse. « Tous les jours, c'est la même chose. Qu'il pleuve ou vente, je prends mon bain. Le docteur me l'a recommandé. » Une autre. « Ne trouvez-vous pas que l'eau salée porte mieux que l'eau douce ?» Une autre. « Je l'avais déjà remarqué. On se sent d'une légèreté. Il ne faudrait pas faire d'imprudence. Une vague vous enlèverait comme une plume. » Une autre. « Commencez-vous un peu à nager ?» Une autre. « Oui, mais je n'aime pas me mettre sur le dos. Il m'entre de l'eau dans les oreilles. » Une autre. « J'avoue que je ne fais pas encore bien aller les épaules. Mon mari m'a pourtant montré hier soir sur un petit banc. » Une autre. « On se baigne, n'est-ce pas, pour son plaisir. On ne tient pas à faire du genre. » Un phtisique, sur un tabouret, regarde les baigneurs. Sa tête maigre, douloureuse, supporte péniblement un immense chapeau de paille, à l'abri lui-même sous une ombrelle blanche à doublure verte. Il ne peut pas tenir en place, veut sans cesse s'asseoir ailleurs, et il semble toujours qu'il s'assied pour la dernière fois. Ses coudes, ses genoux crèvent l'étoffe, sa bouche grande ouverte cherche un peu de vie. Soudain, de l'une des cabines sort un vieux prêtre en costume de bain noir. Ces dames le désignent et chuchotent avec respect. Il porte une cuvette en zinc et un mouchoir blanc. Il descend à la mer, en courant à petits pas, trempe ses doigts dans l'eau et fait le signe de la croix. Laminé par l'âge, il se ratatine pudiquement, le corps en demi-cercle, si effacé qu'il paraît vouloir montrer son dos de tous les côtés à la fois. Ces dames se sont tues comme s'il allait officier. Il emplit sa baignoire, la soulève, et verse l'eau froide sur son crâne, les pieds joints, le corps droit, découpé en charbon sur le verre-bouteille de la mer. Il jette la cuvette, s'enveloppe la tête dans le mouchoir qu'il noue sous le menton, s'avance au milieu des flots, se baisse pour enfoncer plus le mouchoir qu'il noue sous le menton, s'avance au milieu des flots, se baisse pour enfoncer plus vite, se retourne sur le dos et se laisse emporter les bras étendus. Régulièrement, il plie les jambes, les genoux à fleur d'eau et les détend avec force. La lame le voile. On ne distingue plus que la tête enveloppée dans le mouchoir blanc, et quand une vague le soulève, il ressemble à un Christ d'ébène hors de service qui s'en va à la dérive, couché sur un matelas et pris d'une rage de dents. Chapitre 38. Point de vue. Madame Vernet a fait choix d'un costume collant, révélateur, couleur de chair tendre, transparent. Les regards se posent sur elle en guêpe. Elle sent la piqûre, mime l'effarouchement, la honte. L'étoffe mouillée fait feuille de papier à cigarette. Elle la pince du bout des doigts, la tapote, mais le tissu retombe et s'appuie. Elle est vêtue de caresses. Quel amant frénétique, à l'étreinte ubiquitaire, pourrait serrer ses formes d'aussi près. Madame Vernet imite la canne et s'assied par terre. Nous sommes autour d'elle une rangée de messieurs intéressés. Nous n'en perdons pas un méplat. L'apparition d'un morceau de chair fait scier les paupières. Chaque mari se braque sur la femme du voisin et oublie la sienne. On s'amuse. Les dames aussi s'amusent. Quand un homme sort de l'eau, ruisselant, les cheveux pleureurs, moulés ou de pauvre académie, elles savent apprécier, sourire, tousser. C'est entre les deux sexes un discret échange d'attitudes. Un peignoir s'ouvre au moment où les attentions sont fixes, se ferme à la façon des burnous. Des gorges bâillent, des reins roulent et se croisent. Nous jouons en outre au jeu de l'ensevelissement. Une baigneuse se couche et des mains actives travaillent à la recouvrir de sable. Les principales élévations sont les pieds et les seins. Un frétillement, un soupir et tout s'écroule. Il faut appeler à l'aide. La plage entière s'y met et se partage l'ouvrage. Un monsieur prend une cuisse pour lui, un autre se réserve le ventre. Deux associés unissent leurs efforts autour des hanches. On fait la chaîne, comme dans les incendies. La baigneuse lutte contre tous avec des éclats de rire qui la secouent. C'est doux, c'est chaud, c'est bon. Elle crie « Pas dans le cou, pas dans les oreilles !» C'est fini. Tout a disparu jusqu'au menton. On peut chercher. Il ne reste pas à l'air un point gros comme la tête d'une épingle. Ces messieurs n'ont plus rien à faire. Ils s'essuient le front et parlent de leur appétit. Sous son édredon de sable, la baigneuse déclare qu'elle va mourir, et soufflant à peine, les yeux clos, languissante, elle allume ses pommettes. À qui le tour ? Monsieur Vernet. On ne fait de mal à personne. Regardez, monsieur et madame Billard qui rentrent à leur cabine. C'est un ménage renommé au loin pour sa bonne entente. Vieux mariés déjà, ils s'aiment comme au premier jour. Ils se déshabillent ensemble dans la cabine du prêtre, qui est l'oncle de M. Villard, se baignent ensemble, s'apprennent mutuellement à nager, se tiennent par la main, se saluent, mêlent leurs exclamations de joie, et ne sortent de l'eau qu'ensemble en se donnant le bras. Amaigris par l'amour, ils sucent tout le jour des pastilles de chocolat que parfois ils échangent de bouche à bouche dans un baiser. Ils brûlent, ils se consument, indifférents aux quolibets des hommes et aux avertissements des docteurs. Tous les 6 mois, le mari est obligé d'aller à l'hôpital. Monsieur Vernet, l'eau éteint le feu. La mer ne peut pas les calmer. Au contraire, elle les ravive. Vous allez voir. Henri, qu'est-ce que je vais voir? Ils sont rentrés. Monsieur Vernet, vous allez voir, vous allez voir. Ses narines vibrent au fumet d'un bon plat. Les messieurs, oubliant la baigneuse qui fait la morte dans son cercueil de sable, épient la cabine et se consultent. Avez-vous vu? Non, vous vous trompez, je crois. Il s'avance à quelques pas, penché. Henri, qu'est-ce qui va se passer? On dirait que vous guettez un lapin. Monsieur Vernet, chut, voyez-vous qu'elle remue? Henri, qu'est-ce qui remue? Monsieur Vernet, la cabine. Tenez, la voyez-vous? Henri, après, toutes les cabines remuent quand il fait du vent et quand il y a quelqu'un dedans. Monsieur Vernet, mais la leur remue parce qu'ils se font ça. Henri, expliquez-vous. Monsieur Vernet, eh oui, ils se font ça. Quelle explication voulez-vous? Vous ne comprenez donc rien aujourd'hui. Ils se font ça après leur bain, chaque fois, sans manquer, sur les planches même, dans leur boîte d'un mètre cube. Monsieur Vernet me fait des signes de la main, me prie de me taire, de le laisser entier à ses observations. Prêtez-moi donc votre lorgnette, vite, vite, dit quelqu'un. C'est en poignant. Les dames regardent de côté. La baigneuse enterrée se met sur son coude et, dans les flots, une autre baigneuse reste immobile, droite, vainement heurtée par la vague, naïade inquiète. Mais le vieux prêtre, retour du large, ramasse sa baignoire et, courant à petits pas sur la grève, s'en va frapper à la porte de la cabine. Grelottant, dégoûtant, avec sa cuvette de zinc sous le bras, il ressemble maintenant à une marchande de maléfices qui vient de faire, par une averse, ses provisions pour le prochain sabbat et attend qu'on lui ouvre. Chapitre 39e. Pas de gâchage. J'aime de plus en plus mes amis pour le bon motif. Je ne me hâte pas vers l'inévitable fin, vers le moment où je serai l'amant obligatoire de Madame Vernet, vers l'irrémédiable. Il est heureux que M. Vernet soit, comme on dit, constamment sur notre dos, et je voudrais lui garder toujours une affection sans trouble, une estime sans réticence. Je suis comme les autres. Il n'y a encore que les bons sentiments pour me réconforter. Jamais une saleté morale, même réussie, et faisant honneur à mon adresse de préparateur, ne m'a contenté pleinement. L'amitié de M. Vernet m'est chère, et le souvenir de la bonté de son cœur m'impressionnerait dans le mal. Aussi, tandis que les frayeurs de Mme Vernet retardent notre chute et parfois la rendent improbable, j'apporte de mon côté à la réalisation de nos désirs mes cailloux d'achoppement. Quand, dans ma chambre, nous nous excitons sans mesure, que les caresses irritent notre impatience et que cela va tourner au vilain, j'écoute, l'oreille tendue vers l'escalier, un bruit qui nous interrompt. Il m'arrive de m'arrêter trop tôt, d'être en avance sur le signal d'alarme. Madame Vernet, Voyons, n'est-ce pas gentil de nous aimer ainsi? Comme je n'ai qu'une chaise, je la garde d'abord pour moi, et frottant mes genoux, j'invite Madame Vernet à venir s'asseoir dessus. Elle n'en est pas encore là et refuse. Je lui cède la place, et nous feuilletons mes calepins de verre. Elle a remarqué que j'étais susceptible, et les apprécie tous en bloc, beaucoup. Henri. En voilà qui ne sont pas mal. Je les ai faits en 10 minutes, à 3 heures du matin, avant de me coucher. C'est la nuit que je travaille le mieux. Il m'en vient quand je dors. Je me lève, j'allume ma bougie, je mets mes vers sur un bout de papier et je me recouche. Je me suis relevé jusqu'à 10 fois. Ma descente de lit était couverte d'allumettes. Ceux-ci, je les ai composés sous un arbre, par une pluie battante. Mon calepin était trempé, mon crayon se délayait, comme quand on écrit avec une plume sur du papier buvard. Cela, je ne peux pas vous dire. Madame Vernet. Pourquoi? Pourquoi? Henri. Je les ai tracés sur le dos d'une femme, oui, pendant qu'elle remettait sa jarretière. C'était un pari. J'ai gagné. Il y en a 12. Vous pouvez compter. J'en ai fait de plus mauvais. Madame Vernet. Quel était l'enjeu? Henri. Le pupitre. Où vais-je chercher les choses que je dis? Je raconte les origines de chaque vers, ses succès dans le monde, la peine qu'il m'a coûtée, et les désignant l'un après l'autre du bout de mon crayon bleu, je bonimente. De ma main libre, je flatte la taille de Madame Vernet, sa joue. Elle me repousse. J'en reviens. Nous dévidons de la soie. Quand elle a dit « Ils sont jolis », à ma crispation involontaire, elle ne manque pas de se reprendre et ajoute « Ils ne sont pas jolis, ils sont beaux. » Madame Vernet, je ne suis pas en peine de vous, vous irez loin. Je branle la tête et fais l'incrédule. Madame Vernet, si, si, vous irez loin, c'est moi qui vous le dis, et quelque chose qui ne me trompe pas, j'en suis sûr, me le dit à moi. Victor Hugo est mort, vous remplacerez Victor Hugo. Cette fois, je proteste. Ah non, permettez, n'exagérons rien. Elle insiste, mutine, il me faut céder. Eh bien oui, là, je remplacerai Victor Hugo, entendu. Elle est sincère en ce moment, la chère femme. Mais si, dans 15 jours, 3 semaines, sa prédiction ne s'est pas réalisée, elle en sera tout étonnée, commencera de trouver le temps long et doutera déjà de moi. Chapitre 40e. Directeur de conscience littéraire. J'efface un à un les péchés de son goût. Madame Vernet. Vous devriez me composer une petite bibliothèque qui me serait personnelle. Henri. « Volontiers. Madame Vernet, qui y mettrez-vous ? » Henri. « Madame Bovary, d'abord. C'est l'histoire d'une dame qui est un peu comme vous. Elle ne sait pas ce qu'elle veut et finit par en mourir. » Madame Vernet. « Pauvre femme. Est-ce bien écrit, au moins ? » Henri. « Assez bien. Comme ça, oui. » Madame Vernet. « Il n'y a pas de choses trop fortes ? » Henri. « Des choses trop fortes. » Madame Vernet. « Des saletés, enfin, comme dans Zola. » Henri. Non, je vous le garantis, c'est propre comme votre âme, et d'un luisant, vous pourriez vous y mirer. Madame Vernet, de qui est-ce ? Henri, de Flaubert, madame, Flaubert Gustave. Madame Vernet, je connais, vous m'en aviez souvent parlé. N'a-t-il pas fait un autre livre qui a un titre drôle, un titre qui m'a frappé, La Tentation de Saint-Antoine ? Ce doit être raide, hein ? Henri, très raide. Je ne vous le conseille pas. Vous n'iriez pas jusqu'au bout. Madame Vernet. Et après, qui mettrez-vous ? Henri. Un peu de Balzac. Madame Vernet. J'en ai lu. Les descriptions m'ont arrêté. Est-ce qu'il y a des descriptions dans tous ces livres ? Henri. On en retrouve par-ci, par-là. Madame Vernet. Alors pas de Balzac, si cela ne vous fait rien. Henri. Ça m'est égal. Ce que j'en dis, c'est pour causer. D'ailleurs, je suis de votre avis. Les descriptions embrouillent, on perd le fil, c'est agaçant. Madame Vernet. Et après, qui y mettrez-vous ? Henri. C'est comme si nous jouions au corbillon. J'y mettrai un peu des Goncourt, un tout petit peu, pour donner du goût. Madame Vernet. Je les connais aussi, ceux-là. Vous ne faites qu'en parler. Deux frères qui s'aimaient bien, n'est-ce pas ? Henri. Ils s'adoraient. Madame Vernet. C'est gentil, ça. Lequel des deux est donc mort déjà ? Henri. Le plus jeune. Madame Vernet. Lequel des deux écrivait le mieux ? Henri. Le plus jeune, naturellement, puisqu'il est mort. Madame Vernet. Qu'est-ce que vous me donnerez des Goncourt ? Henri. René Mauprin. C'est encore l'histoire d'une jeune fille qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui en meurt. Madame Vernet. Pauvre fille. Ensuite ? Henri. Ensuite, Germinie la Certeux. C'est l'histoire d'une servante. Madame Vernet. Oh non, pas de bonne. Ces gens-là savent-ils aimer ? Henri. Voulez-vous, Madame Gervaise ? Cela se passe à Rome. Madame Vernet. J'aime beaucoup les livres de voyage. Henri. Sœur Philomène. Il s'agit d'une sœur d'hôpital. Madame Vernet. Est-ce qu'il y a des tableaux de la souffrance humaine ? Oui, n'en parlons plus. Je me trouverai mal à chaque instant. Qu'est-ce que nous prendrons de Zola ? Henri. Rien, à cause de votre odorat. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Madame Vernet. Mais il faut du Zola dans une bibliothèque de choix. Je suis une femme mariée. La délicatesse a des bornes. Ne dirait-on pas que vous me prenez pour une petite fille ? Je vous assure qu'il m'est tombé par hasard, sous les yeux, quelques passages de Germinal et de la Terre, ceux qui ont fait le plus de bruit. Et je ne les ai pas trouvés si choses. Et puis, en souvenir des beautés de premier ordre, il ne faut pas se montrer sévère pour les tâches. Allons, accordez-moi quelques volumes de Zola. Henri. Vous les aurez tous, chère femme de mon cœur. Madame Vernet. Ensuite. Henri. Tenons-nous-en là pour l'instant. Nous continuerons demain la revue. Nous remplirons encore quelques casiers avec ce qui reste d'écrivains en prose pour dames, et nous demanderons ensuite aux poètes s'ils n'ont pas en réserve quelques poésies de derrière les fagots, pour faire la bonne bouche. Madame Vernet. N'oublie pas au moins qu'un rayon tout entier, capitonné de soie, est destiné à vos œuvres futures, richement reliées. Henri. En peau de chagrin d'amour, avec des fers spéciaux, ceux que vous m'avez mis au cœur. C'est la grâce que je me souhaite. Allons déjeuner. Chapitre 41e. Église. Généralement, après déjeuner, nous visitons une église, toutes les églises que le bon Dieu a fait faire dans les environs. Nous lisons d'abord les inscriptions des croix. L'épitaphe d'un enfant nous excite à dire « pauvre petit ». Celle d'un vieillard « qu'en somme il était en âge de mourir et qu'il n'a pas à se plaindre ». La mort en ce cas est plus dure pour ceux qui restent que pour ceux qui partent. Nous avons une manière brusque de retirer le pied quand nous marchons par mégarde sur une tombe et prudemment nous écartons les hautes herbes des sentiers. Une poule noire dérangée s'envole avec un cri perçant. Nous frémissons. Madame Vernet, ne croirait-on pas que c'est une âme ? Monsieur Vernet, elle ne montera pas haut dans le ciel, elle est trop noire. C'est la première plaisanterie d'une longue série. Nous plaisantons parce que nous avons vaguement peur. Nous entrons dans l'église en hésitant, comme on s'enfonce dans l'eau froide. Monsieur Vernet, on a beau n'être pas dévot, cela fait toujours quelques petites choses. Marguerite a trempé sa main dans l'eau bénite jusqu'au poignet et nous en offre. Incapable de refuser, j'essuie ma part avec mon mouchoir, et M. Vernet, moins esprit fort, laissait goûter la sienne au bout de ses doigts. Le premier sacrilège seul coûte. Cette insulte à l'eau divine non suivie d'une punition immédiate nous encourage. Nous pouvons regarder l'église en amateur, et nous serions hommes à remettre nos chapeaux si la fraîcheur ne nous semblait douce. L'église est nue et suintante, mais la chaire et son escalier sont d'un bois tellement vieux que M. Vernet parle hardiment de style Renaissance. Il monte en tâtant la rampe, ouvre la porte de la chaire, égratigne les moulures, flaire les trous de mythe, et n'oublie pas de crier « Mes chers frères !»« Oh, Victor ! Oh, mon oncle !» disent ensemble Madame Vernet et Marguerite, qui prient à genoux. « Je n'en pense pas moins. » M. Vernet s'en tient là. L'éclat de sa voix l'a effrayé. L'église, personne blessée, a gémi de toute la sonorité de ses voûtes, et M. Vernet descend, penaud, sa raillerie coupée en deux. Il regarde respectueusement des vitraux, des crosses, des agneaux frisés aux pattes croisées sous le menton. Ces dames achèvent leur prière. Je me promène de long en large, mon chapeau me battant les cuisses, et j'admire le catholicisme non comme religion mais comme poésie. Je fais retentir aussi mes talents sur les dalles pour produire des échos. Nous sortons. Marguerite est déjà à son poste, la main pleine d'eau bénite. Mais nous n'en avons pas besoin puisque nous sortons. Nous écartons le buste avec un merci sec, et sous le portail même, lesté d'une impression pénible, nous nous couvrons par un geste de défi. Notre impertinence se redresse comme une herbe foulée. Monsieur Bernet dit leur fait au curé. Madame Bernet. Il faut un peu de religion, mais pas trop. Je trouve ridicules les détails, les cérémonies. Je crois en Dieu, voilà tout, et au diable dans une certaine mesure. Marguerite cueille un coquelicot sur une tombe. Elle le mettrait à son corsage si quelqu'un voulait parier avec elle n'importe quoi. Elle en arrache les feuilles écarlates et les fait claquer entre le pouce et l'index. De mon côté, par négligence ou bravade, je bute contre des mottes, je marche au bord des allées et j'écrase les pieds des morts. Monsieur Vernet, on respire. Il ferme la porte du cimetière. Autour du clocher, les corbeaux tracent leur cercle, poussent leur croassement, agacent le coq muet, comme pour le provoquer à donner de la voix. Monsieur Vernet, quand ils ne sont pas dedans, ils sont dessus. Il rit, nous rions tous. Chapitre 42e, promenade des beaux sites. Il n'est rien de trop simple pour la simplicité de nos goûts. Nous nous arrêtons à chaque ferme afin de boire du lait. Marguerite seule, moins naturelle que nous, ose avouer que le lait lui fait mal au cœur. « Votre pain est-il noir, ma brave femme ?»« Oh non, monsieur. Il est bien blanc, au contraire, aussi blanc que celui du boulanger. » Nous poussons un « oh » de désolation. La brave femme ne nous comprend pas. Elle ne nous comprend jamais. Elle nous offre des chaises, et il faut employer la force pour qu'elle nous permette de nous asseoir sur un banc de bois boiteux et poli comme un front d'enfant, tant il a râpé de culottes qui ne lui ont bien rendu. La brave femme demeure bouche bée, une chaise dans chaque main. « Vous seriez pourtant mieux là-dessus, » dit-elle. « C'est de la paille toute neuve. » Je me lève. « Écoutez, je vous en supplie, laissez-nous votre banc. Sinon, nous nous mettrons par terre à la turque ou en tailleur. Nous ne sommes pas venus ici pour étrenner vos chaises. Donnez-vous le pour dit, j'ajoute. Allons, donnez-nous votre pain blanc, puisque vous n'en avez pas de noir, et apportez-nous du lait. C'est-il vrai que vous voulez du lait, mon petit monsieur? Mais, ma brave femme, vous n'y êtes plus. Quand on entre dans une ferme, c'est pour boire du lait. Les fermes, ça a été inventé pour que les gens qui sont à la promenade puissent y boire du lait quand ils sont là et qu'il fait chaud. « Mais, mon petit monsieur, il ne reste plus qu'une goutte pour mettre dans notre soupe ce soir. Les vaches ne sont pas tirées. Tirez-les. Nous attendrons en mangeant une omelette. »« Alors il faut que vous attendiez aussi que les poules aient pondu. J'ai vendu tous nos œufs au marché hier. » Je promène sur l'assistance un regard découragé. « Ce n'est pas la peine de venir à la campagne pour faire comme dans les villes. Soit. Tordez-nous donc le cou à un lapin. »« Un lapin? Mais, mon bon monsieur, j'en point de lapin. Qu'est-ce que j'en ferions donc ?» Un lapin, ça mange comme une vache, et qui que ça se vend, rien du tout. À votre tour, dis-je à Madame Bernet en me rasseyant. Elle s'y prend mieux que moi, car pour obtenir de la brave femme quelque chose à manger, elle l'interroge sur ses travaux, ses habitudes, son mode d'existence, et complimente sa bonne mine, sa corpulence. Que vous devez sans aucun doute à l'air pur des champs. Oh, ma chère petite dame, elle nous trouve tous petits. J'ai pas seulement le temps d'aller le respirer. Vos enfants sont toujours dehors. Dame, quoi que j'en ferai donc à la maison dans mes jambes. Ils doivent être vigoureux et beaux. Ils profitent. Ce n'est pas que je suis leur mère, mais je vous garantis que le dimanche, pour aller à la messe, ils sont tapés. Vous en attendez encore un sous peu, dit M. Vernet, en regardant le tablier de la brave femme, tandis que Marguerite émiette du pain aux poules. Pardon, mon bon monsieur, pas pour le moment. Je suis resté enflé comme ça de mon dernier. « Et puis, dit-elle, quoi que ça sert de se dégonfler à chaque fois pour se regonfler à chaque fois. Je ne suis-t-il pas plus à mon aise en restant toujours la même ?» Et elle se met à rire, agitant son ventre, secouant ses côtes blanches de farine. M. Vernet longe les murs jaunis, inspecte l'intérieur d'une armoire à lit, des casseroles, des buts, se propose d'en acheter une pour sa cheminée, s'arrête devant les assiettes à fleurs rangées derrière des lattes de bois. « Voulez-vous m'en vendre une, ma brave femme ?» Une assiette, pour quoi faire, Seigneur Dieu? Je la prendrai dans ma salle à manger, et en la voyant, je penserai à vous. Combien? Elle m'a coûté à moi 5 sous, l'une dans l'autre. En voilà 20, dit M. Vernet. La brave femme se demande pourquoi on lui paye un franc tout entier une assiette achetée à 1/4 franc, et dans laquelle elle a mangé. Mon bon monsieur, dit-elle, celle-là est cassée, prenez-en une autre. M. Vernet hausse les épaules. Nous sortons, mais nous reviendrons. Nous promettons toujours de revenir. « Il n'y a pas d'embarras, » dit la brave femme. « Revenez, si vous voulez. » J'offre à M. Vernet de porter l'objet d'art, l'assiette. Il fait des façons, j'insiste. « M. Vernet. » « Alors, chacun son tour. » « Soit. Mais rappelez-vous le mien. Je suis capable de l'oublier. » « Bientôt, en effet, je n'y pense plus. » Chapitre 43e. Flirtage en plein air. Il y a moins de danger sur la route que dans ma chambre. Marguerite est là. M. Vernet nous surveille. Nous ne flirtons qu'avec des clins d'yeux, des chuchotements, des pressions de bras ou des frôlements de hanches. Nous jouons à celui qui courra le plus fort. J'enlève prestement Mme Vernet quand je l'attrape, et je sens son corps peser sur moi. Elle court mal à cause de ses robes et de ses coudes, et plus on est près d'elle, moins elle court vite. Son ardeur décroît comme la distance qui nous sépare. Je l'assieds sur une borne, essoufflée. J'attends qu'elle ait repris vent et je lui tiens des propos qui sont pure bagatelle. Henri, vous êtes une levrette, une plume, une ombre, et sous votre doux poids, j'ai cru que j'allais mourir. Madame Vernet, oh là que j'ai chaud, vous me tuez. Les frisons de sa nuque sont collés par la sueur. Elle trempe ses pieds dans la fraîcheur de l'herbe. Elle fait des efforts de tête pour tirer son cou du col, lève les bras, remue les poignets afin de permettre à l'air d'entrer dans les manches, de se glisser jusqu'aux épaules, de se blottir aux aisselles. Nous nous amusons comme des enfants sous l'œil amical de M. Vernet. Je l'appellerai, à l'exemple de Marguerite, mon oncle, si je ne craignais de réveiller en lui le sanglier qui dort. Madame Vernet me prie de respecter au moins son mari, si je ne la respecte pas elle-même. Je prends M. Vernet à part. Son assiette sous le bras, il épluche une baguette. Henri. Est-elle folâtre, Madame Vernet ? M. Vernet. Elle ne sera jamais plus jeune. Henri. Vous n'avez pas peur ? M. Vernet. De qui ? De quoi ? Henri. Je ne sais pas, mais à votre place, je ne serai pas trop tranquille. M. Vernet. Parce que ? Henri. Parce que si Madame Vernet est jeune, je le suis plus qu'elle encore. M. Vernet. J'ai une absolue confiance en elle. Henri. Bien, mais en moi. M. Vernet. En vous aussi. Il me regarde fixement, l'air grave et bon. Ce simple mot, si simple, me touche plus que je ne le voudrais. Je serre la main de M. Vernet. Henri. Vous avez raison, mon cher M. Vernet. Toutefois, parlons d'une manière générale, sans faire de personnalité, si cela arrivait. M. Vernet. J'espère que d'abord ma femme vous cracherait au visage. Il a dit cela d'une telle façon que je me détourne, comme pour éviter réellement un peu de salive. Je souris jaune. Henri. Bien entendu, M. Vernet, il ne peut pas être question de moi. Encore une fois, nous ne faisons que des hypothèses. Et en mettant les choses au pis, nous supposons, et tous deux ensemble, comme deux amis de collège ou de régiment, nous découvrons par hasard que votre femme vous trompe. M. Vernet. Alors je vous fusillerai dans le dos. Ainsi, j'ai beau me mettre de son côté, M. Vernet me renvoie obstinément au camp ennemi. J'ai poussé trop loin dans son âme la perquisition. En l'interrogeant, j'ai peut-être tout avoué. Mais non, je badinais, n'est-il pas vrai ? Je ris au point que mes dents claquent. C'est le frisson de la petite mort qui passe. Nous sommes sur une belle route blanche, en plein jour, en plein soleil, entre deux haies qui nous pénètrent de leurs émanations odorantes, et mon cœur bat, pris de panique, comme par une nuit noire peuplée de cauchemars. Ça a été court. C'est Henri, crie M. Vernet à sa femme, a des idées d'un biscornu. Je ne le laisse pas achever, et leurs mains tous deux en paquet dans les miennes. Mes chers amis, finissent plutôt ma vie que notre bon accord. Madame Vernet, qu'est-ce que vous avez ? Henri, rien que la joie de vous avoir connu, rien que du bonheur plein moi. Je suis heureux qu'un mendiant vienne au-devant de nous. Il a entendu mon appel. D'ordinaire, nous ne donnons jamais aux mendiants de tout le monde. Ce n'est pas dans nos idées. Le rêve de Madame Vernet, par exemple, serait d'avoir un pauvre pour elle seule, qu'elle irait voir dans sa mansarde, au-dessus de beaucoup d'étages, un pauvre dont elle surveillerait la moralité, qui n'accepterait rien des autres et que peu à peu elle ferait riche. « Allons, dis-je, pour une fois. » Et je tire de ma poche le porte-monnaie de M. et Mme Vernet, qui s'y trouvent justement. Nous rentrons à la maison, traînant nos pieds dans la poussière, contents de la journée, avec une lassitude, une faim, une soif de chien. Chapitre 44e. La partie d'agrément. Nous sommes sur le bateau des Creuses, imprégné, quoique lavé ce matin à grande eau, de la fade odeur des congres. Au fond du bateau, à l'endroit où sont d'ordinaire les mannes de cordes, nous avons serré des paniers de provisions. M. Vernet nous a prévenus. C'est effrayant ce qu'on mange en pleine mer. Le père Creuse, assis à la barre, et un de ses hommes debout sur l'avant, nous regardent en dessous et se font des signes. Une gaieté turbulente nous anime, et comme dit Creuse, chacun lance à son tour une rognure de chansons. Des marsouins tournent au loin leur roue noire, et Creuse leur crie « Cousin Jean, cousin Jean !» obstinément, pour les faire venir à bord. « Mon père avait 500 moutons, j'en étais la bergère !» chante M. Vernet d'une voix à effrayer les loups. Je suis moins communicatif. Madame Vernet m'inquiète. Elle a pâli, sourit hors de propos, tantôt bâille au vent, tantôt les lèvres pincées, semble retenir de force un secret. Adroitement, elle prépare son public. « Je sens que je vais peut-être avoir le mal de mer, » dit-elle. À ces mots, elle se retourne et vomit. « Soutenez-lui la tête, » dis-je à M. Vernet. « Bah, » dit-il, « ça lui fait du bien. » La première fois, je l'amène au champ. Le loup mange une quinzaine, long laine. Les pêcheurs rient, sans oser rire, le menton dans leur tricot. Marguerite s'approche de Madame Vernet, lui murmure quelques mots de garde malade, s'habille à côté d'elle, et leurs cœurs se soulèvent ensemble, suivant un rythme lent. Un beau monsieur vint à passer, me rendit la quinzaine, long laine, chante M. Vernet. Je fais, couché sur le dos, la théorie du mal de mer, avec des phrases paresseuses, rampantes sur ma langue, coupées de silence, de soupirs et de sifflements qui soulagent. Le mal entre par les yeux, il faut regarder l'horizon. Quand on n'a pas mangé, on est moins facilement malade et on souffre plus. Quand on a mangé, le mal vient vite et s'en va de même. Il arrive qu'on ne l'a pas durant une longue traversée. Tel autre jour, c'est au port même qu'on l'a, par un temps calme. « Vous ne l'aurez pas aujourd'hui, » me dit le pêcheur Creuse. « Vous avez bonne mine. » Mais, tout de suite, je fais pendant à ces dames, la tête secouée sur le bord du bateau, tandis que M. Vernet enfle sa voix vengeresse. « Quand nous tondrons nos blancs moutons, vous en aurez la laine, long laine. » Il plaisante, infernal, nous remercie de donner aux poissons d'économiser chez le pharmacien. D'un bord à l'autre, entre deux nausées, nous nous demandons de nos nouvelles, ces dames et moi. « Ce n'est rien, cela va mieux quand c'est fini. »« Ça recommence, » dit M. Vernet, qui interrompt nos condoléances, jouit de notre mal comme d'une haine satisfaite, et crie à tue-tête. « Ce n'est pas la laine que je veux, c'est votre cœur, ma belle, long laine. » Il s'arrête, tousse, crache, dit « J'avalais de travers. » Et prend ses dispositions à côté du pêcheur Creuse, le buste hors du bateau, la figure fouettée d'embrun au choc des lames, prête à tomber, bon à noyer. C'est la débâcle des estomacs. Le bateau bondit, se cabre. D'un coup de barre, Creuse donne debout dans une vague qui retombe en plus fine, mordante, acidulée et bénit notre agonie. Le bateau conduit à leur dernière demeure des moribonds ramassés çà et là. Nous roulons de bâbord à tribord, nos têtes décolorées. Quand je heurte Madame Vernet, « Pauvre ami !» lui dis-je. Elle me répond « Pauvre ami !» Et nous repartons, chacun en quête d'un coin de terre ferme. Le marin de Creuse, larguant une voile, meurtrit nos pieds. Puis, sur notre invitation, tous les deux se mettent à manger. Il nous semble que c'est nous qu'on gave de nourriture, à coups de pilon dans la gorge, sur notre cœur, qui se gonfle, étouffe. « Dites, Creuse, sommes-nous loin du port ?»« Dame, monsieur Vernet, j'avons vent debout, j'avons pas vent arrière. »« Mon brave Creuse, n'allons-nous pas bientôt rentrer ?» Oh, si j'étions attachés au cul d'une vapeur, j'en aurions à peine pour une heure, ou le quart moins d'une heure. Mon bon papa Creuse, serons-nous arrivés avant la nuit? Mais, ma chère petite dame, bien sûr que oui, si j'avions pas le courant contre nous. Renversant nos têtes lourdes, de métal, nous apercevons le phare et sa lanterne incendiée par le soleil couchant. Il est là, tout près, le phare. Il suffirait d'allonger le bras pour s'y cramponner. Mais la nuit vient. Le soleil disparut, le phare allume sa lanterne, et entre nous et lui, la distance reste la même. Nous renonçons au port, et nos maux un peu calmés, nous entrons dans une vie de songe. Une demi-nuit nous enveloppe, les lueurs du falot illuminent le voile, et le bateau soulève, par gerbes, les flairs de feu de la mer. On n'entend que le bruit du flot, ce bruit d'un tapis qu'on secoue, et le mâchement des deux marins, qui mangent encore, accroupis sur les paniers de provisions et les bouteilles. Les membres cotonneux, nous ne savons plus où nous allons. Il nous serait égal de mourir. j'en ai encore pour une heure, dit parfois le pêcheur Cruse. Et longtemps, un siècle après, il ajoute « Oui, je crois que dans une heure et demie, le port ne sera pas loin. » Qu'est-ce que cela nous fait? Qu'il nous laisse sommeiller, perdre conscience. J'ai un puits creusé dans le corps. Et je me tiens de toute ma force, immobile. J'ai rencontré dans l'ombre des couvertures la main de Madame Bernet et je la garde. Elle est toute petite, sans frémissement, comme morte. Bordée par bordée, Cruse avance tout de même. Sa voix lointaine nous renseigne. Un peu plus, je vous jetais sur les rochers. Il cherche à mettre en place les feux du port qui doivent nous regarder comme des yeux de chat. Il faudra un treuil pour nous déposer à terre. Quand le bateau se cogne à la cale, c'est une grande surprise. Je vais aider Madame Bernet à se relever, mais cette main que je tenais est celle de Marguerite. Je m'en étonnerai plus tard. Nous prenons possession du sol comme des conquérants ivres. À une autre fois. Oui, à une autre fois. Car nous recommencerons. On a le droit de se distraire dans la vie.